Sabine Orze, Léo Rose, elle rougit ses lèvres et pose devant ses murs vert pomme où la lumière se cogne. Sabine est jolie comme une Apolline, elle devrait s'exposer en vitrine en robe Dior ou Saint Laurent. Super, même si elle n'a plus 20 ans. Ça, bi, bi, bi, je lui laisse. Sabine et tout le reste. Sabine et tout le reste. Sabine chante des airs désuets, poétesse à l'amour déraciné. Sa voix cristalline a rêvé de menuets indémodables à danser. Sabine tourne la manivelle de son orgue de barbarie. Elle tourne comme on valse à Paris dans l'ivresse fraternelle. Ça, bi, bi, bi, je lui laisse. Sabine et tout le reste. Sabine et tout le reste. De La Roche-sur-Yon à Toulon, j'ai compté 1000 kilomètres. Nous aurions pu nous connaître dans un troquet à tenons. Après quelques mots que la lune compte encore aux étoiles du portrait de Léonore, le silence est pris à la fête, sans embarras à couper nos têtes.